Business, Dean. Celle-là, c'est pour toi. Je remercie. Plutôt, je te remercie. Yeah. 2008, en classe, dans une classe de 5ème, 5. Qui aurait dit qu'on allait faire autant de chemin? Un regard a suffi et l'avenir était tracé. Passé d'Anas à Anes, Anes Dean. J'avoue que c'est vite passé. J'écoutais pas beaucoup de musique, j'étais pas passionné. Toi depuis l'âge de 4 ans, t'étais Fouini Baby Z. Bien sûr que le morceau banlieue sale, tu fus le premier à me le faire écouter. Sans toi à l'heure qu'il est, j'écouterais sûrement Kinvey. Je te remercie rien pour ça. Mais cette heure d'étude est vraiment mieux que tout ça. Rappelle-toi de ces mois, j'en rigole encore. Des trentaines de textes en musique, c'était vraiment hardcore. M'aurais mémoré tout ça. Et je me dis qu'on a avancé. Je me remémore tout ça. Et je me dis qu'on a avancé. Je me dis qu'on compare pas différence. Ah, tu sais qui c'est. Ah, tu sais qui c'est. Yeah. Dédicace à Nesdin. Yeah. C'est un peu un parcours difficile. On s'est amélioré, on remonte en scène. On s'est ouvert les portes de Kids Oh My. Pour l'instant c'est Titanic et il faut qu'on quitte le mât. Je te remercie, je te remercie. Je te remercie, je te remercie. Je te remercie, Nesdin. Je te remercie. 2010, une renaissance featuring Airflow. J'écris ambition, ou encore une fois, ou bien zéro. L'apparition du micro, Audacity et Virtual DJ. Mais c'est grésillement, et la voix qui sont chiants. Ce n'est que le premier G, je commence à écrire de plus en plus. On est content, car cela nous a plu. Une petite peur de la séparation de la fin de l'année. Après notre naissance, les portes sont toujours condamnées. Je me rappelle des délires de trop de cheveux et de katana. Je me rappelle de quand Kids Oh My Cabrit et Mr. Aya. 2011, c'est la séparation, mais une qualité s'installe. Fin de la fouine, c'était sûr que c'était la ferraille. Les textes sont amateurs, mais pour nous paraissent pro. On sert de la technologie et on prend des rendez-vous par texto. Je remercie Nesdin de m'avoir incité. Merci à Aya et Flo pour la qualité. Je remercie. Remercie. C'est un peu un parcours difficile. On s'est amélioré, on remonte en scène. J'ai ouvert les portes de Kids Oh My. Pour l'instant c'est Titanic, il faut qu'on quitte le mât. Je te remercie, je te remercie. Je te remercie, je te remercie. Je te remercie, je te remercie. Ness, Ness, Dean.